Fais péter le panaché, ouais ouais on va s'amuser. Fais péter le panaché, si si on est posé. Si si le panaché négro, toi même tu le sais j'en bois un kilo. Si si le panaché négro, faut pas en boire trop sinon ça rend gros. Panaché c'est ça, moi j'adore ça, je bois tous les repas. Oui oui, le panaché c'est vrai, c'est vraiment très bon et pas trop alcoolisé. Oh, oh, oh, oh. Panaché. Fais péter le panaché, ouais ouais on va s'amuser. Fais péter le panaché, si si on est posé. Si si le panaché négro, toi même tu le sais j'en bois un kilo. Si si le panaché négro, faut pas en boire trop sinon ça rend gros. Oui oui le panaché c'est ça, moi j'adore ça, j'en bois tous les repas. Oui oui le panaché c'est vrai, c'est vraiment très bon et pas trop alcoolisé.